Le philosophe, aïe, le philosophe, aïe, le philosophe, aïe, le philosophe, aïe. J'avance, malgré les coups, les blessures, j'avance avec les miens, mon gars, c'est déjà nous. Rien à foutre, j'suis pas là pour me plaire, j'suis un mec cool. Style casquette à l'envers, j'fais danser les foules, ouais. Les jaloux me guettent de travers. Le rêve des jeunes, c'est de rouler en grosse caisse. Le rêve des jeunes, c'est de rouler en grosse caisse. Mercedes, de préférence classe S. La bonne parole, mais je peux pas m'en empêcher. Okay. Laisse-moi satisfaire tes désirs en boissant. Je suis mystérieux, je suis omniprésent. Même au bout du monde, je te suis. Nique tout de toute façon. Si soit tu cognes, soit t'encaisses le coup. Prends pas trop à l'erreur. Je fais partie du clan des vainqueurs. Aïe, DJ Too Loud. Non-stop, je représente le Movina.